Première partie, chapitre 6 de La Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jérémy. La Commune, par Louise Michel. Première partie, L'agonie de l'Empire. Chapitre 6, La guerre. Napoléon III, ayant eu le 2 décembre 118 Brumaire, voulait son Austerlitz. C'est pourquoi, dès le commencement, toutes les défaites s'appelaient des victoires. Alors ceux qui, sous l'assommade, avaient crié « La paix, la paix !» ceux qui avaient écrit « On n'ira pas à Berlin en promenade militaire » se levèrent, ne voulant pas de l'invasion. Le sentiment populaire était avec eux, devinant sous les impostures officielles la vérité qui, depuis, éclata au grand jour de la publication des dépêches officielles. Dans l'enquête officielle sur la guerre de 71, apparaît la vérité telle qu'on l'a jugée à travers tout. Voici quels étaient les renseignements envoyés des provinces de l'Est au ministre de la guerre, lequel assurait que pas un bouton de guêtre ne manquait à l'armée et faisait bon marché des réclamations. Metz. 19 juillet 1870. Le général de Failly me prévient que le 17e bataillon de son corps d'armée sont arrivés et je transcris ci-après sa dépêche qui a un caractère d'urgence. Aucune ressource, point d'argent dans les caisses ou dans les corps. Je réclame de l'argent sonnant. Nous avons besoin de tout sous tous les rapports. Envoyez des voitures pour les états-majors. Personne n'en a. Envoyez aussi les cantines d'ambulance. Le 20 juillet suivant, l'intendant général Blondeau, directeur administratif de la guerre, écrivait à Paris. Metz, le 20 juillet 1870, 9h50 du matin. Il n'y a à Metz ni sucre, ni café, ni riz, ni eau-de-vie, ni sel. Peu de lard et de biscuits. Envoyez d'urgence au moins 1 000 000 de rations sur Thionville. Le général Ducrot, le même jour, écrivait au ministère de la guerre. Strasbourg, le 20 juillet 1870, 7h30 du soir. Demain, il y aura à peine 50 hommes pour garder la place de Neuf-Brissac et le fort Mortier. La petite pierre et Lichtenberg sont également dégarnis. C'est la conséquence des ordres que nous exécutons. Il paraît positif que les Prussiens sont déjà maîtres de tous les défilés de la forêt noire. Dans les premiers jours d'août, moins de 220 000 hommes gardaient les frontières. La garde mobile, dont jusqu'alors on avait fait usage qu'au jour d'émeute pour mitrailler, et qui en temps de paix ne figurait que sur les registres du ministère de la guerre, fut équipée. Paris apprenait, on ne sait comment, qu'un certain général n'avait pu trouver ses troupes. Mais personne ne pouvait croire cette plaisanterie. Il fallut, bien longtemps plus tard, reconnaître que la chose était vraie en lisant dans l'enquête sur la guerre de 70. Général Michel Aguerre, Paris. Suis arrivé à Belfort, pas trouvé ma brigade, pas trouvé général de division. Que dois-je faire? Sais pas où sont mes régiments. Toujours d'après les dépêches officielles, les envois, demandés d'urgence par le général Blondeau le 20 juillet, n'étaient pas arrivés à Thionville le 24. État de choses attesté par le général commandant le 4e corps du major général à Paris. Thionville, ce 24 juillet 1870, 9h12 du matin. Le 4e corps n'a encore ni cantine, ni ambulance, ni voiture d'équipage pour les corps et les états-majors. Tout est complètement dégarni. L'incroyable oubli continue. Intendant 3e corps à guerre, Metz. Le 24 juillet 1870, 7 heures du soir. Le 3e corps quitte demain. Je n'ai ni infirmier, ni ouvrier d'administration, ni caisson d'ambulance, ni foin de campagne, ni train, ni instrument de pesage, et à la 4e division de cavalerie, je n'ai même pas un fonctionnaire. La série se continue en juillet et août, sans interruption. Y eut-il fatalité, affolement ? Ignorance, les dépêches avouent l'incurie. Sous-intendant à guerre, 6e division, bureau des subsistances, Paris. Mézières, 25 juillet 1870, 9h20 du matin. Il n'existe aujourd'hui dans la place de Mézières ni biscuits, ni salaison. Colonel directeur Parc, 3e corps. À directeur d'artillerie, ministre de la guerre, Paris. Les munitions de canon à balles n'arrivent pas. Major général à guerre, Paris. Metz, le 27 juillet 1870, 1h15 du soir. Les détachements qui rejoignent l'armée continuent à arriver sans cartouches et sans campement. Major général à guerre, Paris. Metz, le 29 juillet 1870, 5h36 du matin. Je manque de biscuits pour marcher en avant. Le maréchal Bazaine au général Ladimereau à Thionville. Boulet, 30 juillet 1870. Vous avez reçu la feuille de renseignement numéro 5 par laquelle on vous avise des grands mouvements de troupes sur la Sarre et de l'arrivée du roi de Prusse à Coblence. J'ai vu hier soir l'empereur à Saint-Cloud. Rien n'est encore arrêté sur les opérations qu'on doit entreprendre l'armée française. Il semble cependant que l'on penche vers un mouvement offensif en avant du 3e corps. C'est à ce moment même que Rouher disait à son souverain « Grâce à vos soins, sire, la France est prête. » Presque aussitôt, on s'aperçut qu'il n'y avait rien de prêt, pas la 10e partie du nécessaire. Pendant que ces dépêches, alors secrètes, étaient échangées, la poignée d'hommes disséminée sur l'étendue des frontières disparaissait sous le nombre des soldats de Guillaume. 40 000 Prussiens suivaient les bords de la Lotaire et rencontraient des bandes éparses qu'ils broyaient en passant. C'était la division du général Douai. À Frauschwiller, MacMahon, appuyé d'un côté sur Reichshoffen, de l'autre sur Elsenhauser, attendait paisiblement de Failly qui ne venait pas, sans s'apercevoir que peu à peu, par insignifiante poignée, des soldats prussiens montaient, s'entassant dans la plaine. C'était l'armée de Frédéric de Prusse. Quand il y eut environ 120 000 hommes traînant 400 canons, ils attaquèrent, défonçant les deux ailes des Français à la fois. MacMahon fut ainsi surpris, avec 40 000 hommes. Alors, comme jadis, les cuirassiers se sacrifièrent. C'est ce qu'on appelle la charge de Reichshoffen. Le même jour, à Forbach, défaite du 2e corps. La débâcle allait vite. Les dépêches se succédaient lamentables. Général subdivision à général division Metz. Verdun, 7 août 1870, 5h45 du soir. Il manque à Verdun comme approvisionnement. Vin, eau de vie, sucre et café, lard, légumes secs, viande fraîche, prière de prévoir d'urgence pour les 4 000 hommes mobiles sans armes. Rien ne pouvait être envoyé comme le prouve ce qui suit. Intendant 6e corps à guerre, Paris. Camp de Châlons, le 8 août 1870, 10h52 matin. Je reçois de l'intendant en chef de l'armée du Rhin la demande de 500 000 rations de vivres de campagne. Je n'ai pas une ration de biscuits ni de vivres de campagne, à l'exception du sucre et du café. La déclaration sur la situation par le général Frossard ne laisse aucun doute. L'effectif total atteignait, dit-il, à peine 200 000 hommes au commencement. Après l'arrivée des contingents d'hiver, il put s'élever à 250 000, mais ne dépassa jamais ce chiffre. Le grand état-major général accuse 243 171 hommes au 1er août 1870. L'organisation matérielle était incomplète. Les commandants de corps d'armée n'avaient encore connaissance d'aucun plan de campagne. Nous savions seulement que nous allions nous trouver en présence de forces allemandes d'environ 250 000 hommes, pouvant en très peu de temps être portées au double. On lit dans les forteresses françaises pendant la guerre de 1870 par le lieutenant-colonel Prévost un témoignage non moins terrible. Lorsqu'on eut déclaré la guerre à la Prusse, aucune des villes voisines de la frontière allemande ne possédait l'armement convenable, surtout en fait d'affût. Les pièces rayées, les canons nouveaux, y étaient rares. Il en était de même pour les munitions et les vivres, les approvisionnements de toutes sortes. On trouve dans les ouvrages du général de Palikao cette lettre d'un officier général. Dès mon arrivée à Strasbourg, il y a environ 12 jours, j'ai été frappé de l'insuffisance de l'administration et de l'artillerie. Vous aurez peine à croire qu'à Strasbourg, dans ce grand arsenal de l'Est, il a été impossible de trouver des aiguilles, des rondelles et des têtes mobiles pour nos fusils. La première chose que nous disaient les commandants de batterie de mitrailleuses, c'était qu'il faudrait ménager les munitions parce qu'il n'y en avait pas. En effet, à la bataille du 7, les batteries de mitrailleuses et autres ont quitté pendant longtemps le champ de bataille pour aller chercher de nouvelles provisions au parc de réserve, lequel lui-même était assez pauvre. Le 6, l'ordre ayant été donné de faire sauter un pont, il ne s'est pas trouvé de poudre de laine dans tout le corps d'armée, ni au génie, ni à l'artillerie. Les Prussiens entrèrent en France à la fois par Nancy, Toul et Lunéville. Frédéric marchait sur Paris à la poursuite de Mac Mahon, qui, simple et têtu, invoquait Notre-Dame dorée, ou peut-être, de concert avec Eugénie, qui appelait sa guerre cette désastreuse suite de défaites, implorait quelques madones andalouses. Le jeune Bonaparte, que nous appelions le petit Badingue, et que les vieilles culottes de peau nommaient par avance Napoléon IV, ramassait niaisement des balles dans les champs, après la bataille, à l'âge où tant d'héroïques enfants combattirent comme des hommes au jour de mai. Le grotesque se mêlait à l'horrible. Fin du chapitre 6, enregistré par Jérémie.